Ta page. Le monde a besoin d'amour comme de l'eau. A besoin d'amour pour aller plus haut. Le monde a besoin d'amour à tous les jours, les jours de pluie comme ceux ensoleillés. A besoin de tendresse pour sécher ses larmes. Le monde a besoin de tendresse pour taire ses drames. Le monde a besoin de tendresse, peu importe l'adresse. Un peu d'amour pour effrayer les vautours. Le monde a besoin d'amour, c'est cruellement urgent. Le monde a besoin d'amour, bien plus que d'argent. Le monde a besoin d'amour à tous les jours. Les jours de pluie comme ceux ensoleillés. Le monde a besoin d'amour, il est minuit moins quart. Le monde a besoin d'amour encore plus fort. J'espère vivre assez vieux pour voir ça un jour. J'espère vivre assez vieux pour voir fuir les vautours. Ah, les vautours. Chers auditeurs, bonsoir. Quelle joie de vous partager ici quelques temps forts dans l'émission qui va suivre avec une belle personne qui, en dépit d'une actualité terrible, garde l'étincelle d'un combat pour le respect de la vie. Il a 74 ans cette année. Il est arrivé avec sa guitare et ses livres et ses chansons dans sa camionnette jaune avec un gros soleil à l'arrière. C'est sa maison quand il part en vadrouille. Il se définit comme un jardinier nomade. On découvrira d'ailleurs qu'il a du sang amérindien avec une grand-mère iroquoise. Il a passé sa vie à militer pour l'arrêt du nucléaire civil et militaire. Trois grands jeunes militants, San Francisco en 83, 40 jours pour faire... Pour le désarmement. En Allemagne, 31 jours de jeûne devant une base militaire américaine pour le retrait des missiles Pershing. Et en 2004, à Paris, où il est reçu d'ailleurs par le président Chirac à l'Élysée, 36 jours de jeûne pour demander un véritable débat démocratique sur le nucléaire et l'abandon du projet de réacteur de troisième génération EPR. André Larivière, passeur de philosophie sans en avoir l'air. C'était le titre d'un article de l'Écho des Vosges paru avant son arrivée. Il est de nationalité québécoise, il vit en Europe depuis 35 ans et il nous arrive d'Auvergne, de Haute-Loire, où il réside désormais dans sa grande maison entièrement autonome. Ce sera le sujet de la deuxième partie de cette émission que nous lui consacrons. Avant le dialogue qui va suivre, place à la musique. Il a choisi de nous faire découvrir une artiste à la voix envoûtante. Voilà, il nous emmène en pleine nature dans les grands espaces nordiques. Il s'agit d'Ever Palsdottir. Elle s'accompagne d'un grand tambour chamanique. C'est un véritable régal. On la surnomme la Björk des Féroé. Ces îles qui font partie du royaume du Danemark avec le Groenland. Bonne écoute. La bonne tenue tapage. Oui, alors voilà, nous sommes avec André Larivière. Tu es venu dans les Vosges pour 3 événements, micro-événements, où d'abord tu as rencontré des gens de Vosges Alternatives au nucléaire et puis peut-être d'autres aussi dans le cadre d'une petite conférence. Sur une présentation, oui, merci de toujours ramener à une dimension humaine les choses, ah, c'est aussi une écologie de la pensée peut-être, et tu as présenté, tu as apporté ton éclairage sur ton expérience sur la maison autonome, donc c'était une première partie, ensuite avec un support, un diaporama, donc c'était enrichissant et ça va être donc reproduit dans l'émission qui suit. Et puis aussi tu es venu dans le cadre des Sélénites qui où on a été connecté par rapport à cette lecture de Svetlana Alexievitch qui est une initiative avec toi et Bruno hein, notamment pour proposer une lecture disons à l'international et en temps réel du prologue de la supplication et c'est une expérience que nous avions faite ici au Sélénite et je crois un an voilà donc période de confinement et tout ça où ont émergé aussi les Sélénites. Et tu es revenu pour rencontrer ces habitants de la Lune qui se réunissent chaque mois jusqu'à présent avec la pleine Lune. Et tu nous as offert un superbe exposé de ta belle voix déjà, que tu t'accompagnes à la guitare sur tes propres textes. Nous as fait des chansons. Oui, c'est ça, plusieurs chansons de rôle de d'autres qui sont magnifiques. Voilà. De belles interprétations de chansons qui te tiennent à cœur parce que tu fais partie d'un groupe. Donc là, ce que j'aimerais, c'est que... Et puis aussi, tu as fait une rencontre dédicace, toujours dans le cadre des Sélénites, à Darniol, autour de ton dernier livre qui s'appelle « Les Cancreloups ». Donc, 3 belles expériences. Et je me dis qu'on a déjà recueilli pas mal de choses concernant ton engagement, vraiment important quand même, hein, sur l'anti-nucléaire. Hein, rappelons vraiment que tu es quand même une figure, moi je dis, de ce mouvement. Et que les événements nous appellent encore plus à réfléchir à cette importance hein, de changer. Ou de, voilà. Donc toi, tu dis souvent que maintenant tu as pris du recul par rapport à... au militantisme, hein, oui, les autres qui prennent le relais. Oui, ça va un peu plus en retrait. Oui, plus en retrait. Mais ça ne m'empêche pas de m'impliquer dans un dossier ou un chantier une fois par année ou par 2 ans, un truc un peu gros, constant, mais avec l'envie de renouer plus que avec revenir, comme je le faisais à 20 ans, à l'écologie appliquée radicale. Et puis donc, par chez nous, ça veut dire concrètement que je fais partie d'une association de reproducteurs de semences et producteurs de semences amateurs pour d'autres amateurs. Mais il y a beaucoup de choses à prendre au sérieux, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut respecter les distances et le nombre de porte-graines en différents plans. Le nombre de porte-graines, oui. Etc. Il y a toutes sortes de choses, c'est un gros apprentissage. En même temps, c'est très important quand on pense en termes d'autonomie, parce qu'on dit que l'autonomie, elle n'est pas qu'énergétique, elle est dans de nombreux secteurs de la vie autant qu'on peut. Et donc, on dit que produire ces semences, c'est comme si on avait la planche à billets à la maison pour faire son propre argent. Parce que les multinationales qui ont imposé les hybrides, c'est pas seulement que t'es obligé à racheter année après année, mais pour aussi te faire perdre le savoir-faire de la production des semences, mais ils ont déjà en bonne partie réussi. C'est aussi grave et urgent comme dans de nombreux autres secteurs actuellement de revenir à la base de l'autonomie nourricière. Bien sûr. Alors cette connaissance-là, ancestrale, comment sont allés les rechercher des gens qui font dans cette association dont tu parles ? C'est moins répandu maintenant la production de la semence chez le jardinier, on pourrait dire, de base, mais il y a toujours eu une suite de producteurs de semences, surtout chez les semenciers bio actuellement. Mmh. Puis il y en a quand même près d'une dizaine de groupes qui produisent la semence bio. Puis eux, ils connaissent à peu près tout ce qu'il faut savoir pour faire ces choses-là correctement. Puis ils diffusent, ils partagent. Ouais, ça, c'est un aspect de moi, en plus de la passion chez soi-même, chez soi, du jardinage, du potager, avec beaucoup d'expérience à faire, et de nouveaux défis sans cesse à relever, etc. Ouais. Donc, publication prochaine, hein, vous êtes une maison d'édition qui va publier vos travaux. Tu me parlais de ça. On est en train de monter un livre sur la reproduction des semences pour d'autres amateurs. Puis l'écriture est pas loin d'être achevée, on est dans la relecture et les retouches, mais il y en a encore pour un an. C'est long, mais c'est normal, parce qu'on dit que pour qu'il n'y ait plus aucune coquille dans un livre, il faudrait faire 13 relectures, pas moins. Et donc, ça sera publié au bout de l'année par Terre Vivante, la grande référence avec les 4 saisons du jardinage, qui est sa revue, on pourrait dire, puis qui existe depuis des décennies déjà. C'est une des premières références pour la bio en France. Fait que c'est eux qui vont diffuser ce livre. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est une nouvelle graine qui va germer. Oui, c'est ça. Ben, sinon, je fais partie d'un trio de lecture musicale par chez moi. Là, on donne un petit concert à l'occasion du Printemps des Poètes le 25 mars. C'est pour ça que tu vas rentrer vite. Ben, oui, c'est ça. Oui. Pas plus vite que le violon. Hein. Ouais. Que la musique, oui. Et puis, on reçoit des woofers à la maison. Donc, le mouvement woof, c'est Willing Workers on Organic Farms, c'est-à-dire travailleurs volontaires sur les fermes bio. Mmh. Et c'est des gens qui, surtout souvent des citadins assez jeunes, qui viennent découvrir c'est quoi la vie à la campagne et comment on fait ceci et cela. Puis c'est beaucoup en termes d'échanges, 4 heures de boulot ensemble tous les jours, mais sans aucune exigence de performance, d'efficacité. Puis donc, on en reçoit de plus en plus souvent de ces temps-ci. Fait qu'il y a eu un Berlinois qui est supposé arriver pour la dernière semaine du mois de mars. Fait que bref, on tourne avec toutes ces activités-là, puis ça nous relie bien à la Terre, avec de temps en temps une randonnée pour changer le mal de place, comme on dirait. Parce que... Ah, c'est pas mal, comme ça. Changer le mal de place, bon. On met en mouvement des choses. C'est ça. Parce que les travaux autour de la maison, ça fait toujours travailler les bras et le haut du dos. Oui. Tandis que la randonnée fait travailler les jambes et le cœur via le souffle quand il y a des montées. Puis c'est important d'aller faire bouger tous les coins du corps, on pourrait dire. Oui, oui. Là encore, on est sur une écologie humaine, de la personne. Oui, une notion de la santé par le contact avec la nature et des activités saines, tout simplement. Alors donc, projets musicaux, tu peux nous parler un peu des gens de ton groupe. Alors tu parlais d'un flûtiste, un grand Hollandais qui joue de la cornemuse et des flûtes à bec de toutes sortes. Mais il vient de trouver une cornemuse qui écrase pas tous les autres, surtout à l'intérieur. Ça s'appelle Scottish Small Pipes. C'est une nouveauté dans les instruments de musique ou bien c'est pour lui et pour nous, parce que là, on avait essayé auparavant de faire entrer la cornemuse dans une chanson, mais c'est pas possible. C'est difficile. C'est trop fort. Mais je veux dire, est-ce que c'est une nouveauté, c'est un nouvel instrument ou c'est un instrument? Non, c'est un vieil instrument qui a découvert plus tard, récemment. Donc avec moins d'ampleur. Oui, on a remis sur le chantier. Une chanson irlandaise qu'on avait abandonnée il y a un bout de temps, puis ça passe bien avec sa petite cornemuse. Et donc il joue beaucoup de flûtes différentes et trouve de beaux contrechants sur les chansons que je chante et accompagne à la guitare. C'est à peu près ça. Et la troisième personne, vu que c'est un trio de lecture musicale, elle lit des textes, surtout les siens, parce qu'elle publie aussi de son côté, et aussi par période des miens. Ouais, c'est drôle, parce que ça s'appelle, le groupe s'appelle Frolk, FR pour France, HOL pour Hollande, et Q pour Québec. Moi, je suis le Q à la fin. Tu es le Q à la fin. Il y a toujours une trivialité, mais de poétique, hein, je veux dire, dans tes textes. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Ni les bijoux, d'ailleurs. Bon, allez, ça, c'est du direct. Hein, c'est bon, c'est du... Hein. Quel coca, hein. Ouais, mais je veux pas trop te perturber. Alors donc oui, on se disait c'était bien aussi de voir voilà ce que tu fais au présent. Donc tu nous parles des graines, tu me parles de la musique qui remplit une part importante de ta vie. Tu as une très belle maison qui fait rêver. On l'a vu dans le diaporama aussi. Chorale aussi de Chambulga. Et de son. Actuellement Chambulga. Ouais. Non, il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Donc, dans tu vis dans l'Auvergne, on imagine plutôt l'Auvergne perdue, sans cette richesse. Mais il y a quand même une richesse culturelle importante, avec toutes ces chorales dont tu parlais. Oui, et puis beaucoup d'événements culturels, plus qu'on croirait, parce qu'il est arrivé une nouvelle vague d'alternatives, là, 10-12 ans, autour de 30 ans, avec petite famille, puis en même temps s'installer une structure pour les aider à trouver des subventions, des formations, donc, puis chaque nouvel arrivant a son projet, fait que maintenant on a beaucoup de petites structures, par exemple paysans boulangers, café associatif, brasseur de bière, maraîcher bio, alors que c'était essentiellement des régions d'élevage à vache à viande, pour la vache à viande. Et donc une modification comme Puis chacun arrive aussi avec ses talents et ses envies de créer l'événement au niveau culturel, fait que pour une région peu habitée relativement, parce que toute la Haute-Loire, c'est à peine 220 000 habitants. Ouais, effectivement. Mais malgré tout, c'est épatant à quel point il se passe des tas de choses partout. D'accord. Puis ça, quelque part, t'es bien chez toi, puis dans une belle qualité de vie, puis en même temps, si t'as envie de te relier, puis... Tu peux choisir les thèmes. Il y en a une qui organise un festival du court-métrage chez elle. Puis c'est souvent même au bout d'un chemin. Puis on ne va pas plus loin après. Non, puis tu disais que tu habites le pays où il n'y a pas de ligne blanche. Ouais, de la non-ligne blanche. La non-ligne blanche. Il n'y a plus de ligne blanche sur les routes. Non, parce que les routes sont trop étroites, sinueuses. Ouais. Ça ne vaut pas le coup. Fait qu'à partir de chez nous, il faut faire 12 km dans quelques directions que ce soit avant de retrouver le pays plus civilisé de la ligne blanche. Bien. Alors, je voulais savoir aussi, parce que sur la projection un petit peu, tu as des projets de publication quand même, parce que Les Cancrelous, c'est le dernier qui est paru, et il y en a quand même d'autres. C'est-à-dire qu'il y en a eu deux. T'es pas arrivé au bout de tes tiroirs, en fait. Ta mémoire. Oui, puis en plus, il y a des nouveaux trucs qui se créer au fur et à mesure ou qui complète ce qui est déjà là. Oui, donc tu es à la fois dans l'écriture au présent et puis dans la collecte de ce que tu as déjà fait. Ouais, c'est Est-ce que le fait de collecter des choses t'amène à plus écrire? Peut-être, tu as peut-être plus de temps. Oui, ça suscite. Il y a un effet ça comme suscite. Ça. Oui, puis j'ai appris le plaisir de, pas seulement de relire, mais même de réécrire un peu. Alors qu'avant, j'avais l'impression que c'est parce que j'avais raté quelque chose avant, c'est pas ça quoi. Et puis donc là, je vais en chantier pour dans un an. C'est pas loin d'être prêt, mais je suis pas pressé. Puis là, le premier livre a été édité au Québec en 1997 par une maison qui s'appelle Éco-Société. Mais les deux derniers, celui de v'là 2 ans, L'homme dans la forêt, et celui de cet automne, et Cancrelous, c'est en auto-édition. Voilà. Ouais. Fait que ça évite d'envoyer 10 manuscrits, puis de se les faire retourner X mois après sans un seul commentaire. Et tu payes un peu plus, mais tu es complètement libre de tes choix. D'accord. Et puis, je dis pas que c'est idéal non plus, mais c'est le choix que je fais. Ouais. Puis, et parmi donc, les différentes maisons d'édition, t'as choisi vite. Ah non, mais comment ça s'est produit pour Libra Nova? Je suis allé voir l'Oracle moderne internet. Oui, traduction, c'est Google, tout ça. Enfin, c'est. Non, c'est vaste. On va pas faire de pub, mais Oracle. Surtout pas Google que j'ai vu au maximum. Et bref, puis tu tapes auto-édition, puis là tu trouves quelques pages où il te donne le choix entre de nombreuses maisons, plateformes d'auto-édition, il y en a plus qu'on croit. Puis là, tu lis en détail, tu compares, etc. Puis je finis sans m'illusionner nécessairement comme quoi j'ai trouvé le meilleur, mais j'ai choisi Libri Nova, puis c'est des gens qui font correctement leur part de travail, mais il faut que tu en fasses beaucoup par toi-même, parce qu'ils te vendent leur service au... un après l'autre, puis ça peut, si tu fais pas attention, ça peut vite remonter. Fait que tu trouves beaucoup de choses, il faut faire par soi-même, et en même temps, ça permet d'avoir une vision. Puis d'apprendre aussi. Tu apprends pas mal de choses comme ça. Fait que là, j'en ai un prévu, peut-être pour dans un an, même s'il est déjà fait au 3/4, 4/5. Ça va s'appeler Wawaron sur Baobab. Wawaron sur Baobab. Voilà, on est déjà parti là. On ne sait plus trop dans quel pays. parce que le Wawaron, d'où vient ce mot? Parce que tu cultives Wawaron, quand même les mots, tu en fabriques, et puis il y a des expressions truculentes. Le Wawaron, ça existe pour de vrai. C'est un mot amérindien, je ne me rappelle plus de quel titre. Oui, je rappelle que André Larivière est d'origine québécoise, hein, quand même. Ça s'entend depuis. Ça s'entend encore un petit peu. Et avec un huitième de sang amérindien aussi de par mon arrière-grand-mère. Important, ça c'est très très important. J'ai l'impression que mes tendances à la vie semi-nomade et à la vie simple viennent un peu de là. Mais donc, le Wawaron, c'est la grenouille bœuf qu'on appelle, je crois, c'est celle qui a le son le plus grave quand elle croasse. Ah, ouais. Puis c'est typique à l'Amérique du Nord. Tandis que le baobab, c'est pas dans la même région. Mais bref, ça va être un recueil entre textes à chansons. Ça veut dire qu'on y trouve la structure habituelle pour des textes à chansons avec un refrain. Bridge, comme on dit en bon anglais, etc. Et poèmes. Et poèmes. Ouais, fait que ce sera pas des novelettes. C'est des fini, on passe à autre chose. Non, il y a encore des micro-nouvelles. Qui viendront après. Oui, c'est ça. Voilà. Qui sont même déjà en train de, voilà. Oui, c'est ça. Ils sont dans un petit secteur à part, en attendant la prescription. Certains. Oui. Oui, bon, d'accord. Il y en a qui ont oublié qu'à bien se tenir, hein. Tu viens. T'aimes bien comme ça des petits coups de patte quand même c'est pas dans le sens de la prescription parce que des histoires qui peuvent être un peu intimes avec des personnes qui qu'on connaît encore, c'est plutôt dans ce sens-là. Non, moi je suis pas surtout dans le secteur littéraire. Oui, mais oui et non, parce que dans l'homme dans la forêt, au premier tiers, il y a une section un peu politique qui est surprenante parce que le reste c'est plutôt la vie ordinaire du quotidien qui dérape doucement vers le légèrement fantastique. Mais tout à coup, il y a une section plus politique où là, oui, il y a des coups de patte parce que il y a des grands nuisibles qui nous mènent à notre perte. Évidemment, on est complices plus ou moins. Bien sûr. On sent quand même chez toi que tu n'as rien de quelqu'un de résigné, hein, même non, si, du voilà. Non, du tout. Il y a toujours ce côté. Ouais. On a besoin d'optimistes, hein, c'est pas possible. Est-ce que tu ressens de la jeunesse qui vient t'écouter, qui vient des fois prendre des conseils ou des choses comme ça? Est-ce que tu sens que tu peux passer, que tu passes des choses? Bon, l'intergénérationnel, c'est jamais simple, c'est jamais facile parce qu'on raisonne pas tout à fait aux mêmes choses. Et disons qu'on perçoit pas les périls tout à fait aux mêmes endroits, mais comme moi, par exemple, il y a deux points sur lesquels je suis très content que la jeune génération actuelle soit vent debout contre, c'est la maltraitance animale et aussi le climat. Puis c'est vrai que ce sont des facteurs, suffit de penser que tout est là pour nous, puis qu'on n'a qu'à siphonner là-dedans jusqu'à la dernière goutte, quoi, comme le pétrole. Mais en même temps, je me dis que chaque génération, nous, on achève de passer, je suis pas jeune maintenant, mais que chacun trouve son point d'inacceptable. sortent. Et puis, ouais. Puis là, à ce moment-là, ils donnent un coup de pied dans le fond de la piscine. Voilà, de ne pas être, de pas être dans l'attitude de j'accepte pas, mais j'accepte quand même. C'est ça que tu veux dire, hein, d'arriver à. Ouais, mais ce que je voulais dire dans l'intergénérationnel, c'est que finalement, ce qui était inacceptable pour nous, ben, ça a pu avoir bougé ça aussi un peu. Tu sais, puis chacun, chaque génération trouve ce qui vraiment il peut pas accepter. Puis il rebondit à partir de ça, puis ça se rejoint après coup, finalement, tu vois, mais ça serait indécent de dire aux plus jeunes générations, ben, occupez-vous de ceci, occupez-vous de ceci, occupez-vous de cela, parce que c'est ça qui est prioritaire. Puis, alors que c'est nous qui avons creusé cette priorité-là, enfin, qui l'avons transporté. Ben, nous, oui et non. Moi, par exemple, je fais 40 ans que je me bats énormément contre le nucléaire civil et militaire. Je considérais pas que j'en suis complice, surtout quand tu vis en maison autonome pour relier à EDF qui a vendu son âme au nucléaire depuis des décennies. Tu vois. Non, je suis dans une autre démarche. Puis me dis ce qu'on. Je parlais de génération, en fait. Voilà, de discours générationnel, quoi. Évidemment que t'es pas dans, tu fais pas partie des nuisibles humains. Mais. Ouais, mais il y a des aspects où on est un peu plus complice qu'on le veuille. Il y a que de prendre la bagnole pour venir ici, surtout au prix actuel du gazole. Ben, j'enrichis des Émirats quelque part, quoi. Il y avait d'autres expériences aussi que dont on a évoqué. Alors, c'est peut-être pas évident de parler de livres quand ils sont pas encore arrivés. Oui, mais ça, tu as un beau projet aussi avec une art-thérapeute, allemande, hein. Oui, c'est ça. On peut en parler un petit peu? Un petit peu, parce que c'est un peu avancé, mais c'est lent à achever. Et, pour moi, c'est un projet touchant et important. Ouais. Ça s'appelle Histoire de sens, histoire au pluriel. Puis ça raconte des interventions thérapeutiques qui ont été particulièrement, on pourrait dire, réussies. Ouais. Avec histoire de sens. Ouais, c'est ça. Puis donc, ça va peut-être paraître dans quelques années. Et on en est à 24, 25 histoires. Bon, on va peut-être se rendre à 35, 40, je sais pas, mais. Ouais, ça fait déjà beaucoup, ouais, hein. Ouais, c'est quand même. Ouais, mais pas mal, c'est toujours dans mon style novelette, quand même. Oui, micro-nouvelle. Ah, c'est vraiment le style que t'affectionnes. Ouais, voilà. Ouais, les choses courtes. Ouais. Hein, à la fois, soit tirer, donc, le travail autobiographique que t'as fait, soit, faire appel plus à l'imaginaire, à l'extraordinaire, et ouais, tout ça. Ouais, c'est ça. Puis sans tartinage. Pour moi, c'est la base non plus. La micro-nouvelle. Ouais, voilà. Élaguer tout ce qui est superflu. Oui, puis avoir une étincelle de départ qui inspire un développement un peu fulgurant, puis une chute épatante. Ah. Et idéalement, si je pouvais aller vers le koan ou. Haïku. Oui, ce sera encore mieux. Mais... Ouais, ouais. Dans l'idée de réduire à l'essentiel. Voilà, c'est dans ce sens-là que je sais que j'écrirai pas de roman. À moins que je sois frappé par la grâce. Ce dont je doute. Attention sur la route. Merci beaucoup de ta présence, André. Tu as fait des heureux. On n'était pas une centaine, mais vraiment, je sais que tu as fait des heureux, des gens qui ont beaucoup apprécié ton passage, et voilà, on a besoin de gens comme ça. C'est réciproque, j'ai été heureux d'y venir et de rencontrer justement tes groupes. Oui. Je te remercie. Bonne route. Je fais un bisou. André, et merci. Et là, on va directement enchaîner sur la mini-conférence, la rencontre qu'il a faite autour de sa maison autonome, qui est quand même, c'est quelque chose. Là aussi, tu pourrais en faire un livre. Enfin. Oui. La vie sera trop courte pour tout écrire. Tapage. Quand les hommes vivront d'amour. Quand les hommes vivront d'amour. Il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours. Mais nous, nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours. Et nous, nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours. Mais nous, nous serons morts, mon frère. Mais quand les hommes vivront d'amour, qu'il n'y aura plus de misère, peut-être songeront-ils un jour à nous qui serons morts, mon frère. Nous qui aurons au mauvais jour, dans la haine puis dans la guerre, chercher la paix, chercher l'amour, qu'ils connaîtront alors, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps, il faut toujours quelques perdants. De la sagesse ici-bas, c'est le prix. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours. Mais nous, nous serons morts, mon frère. Tapage. Merci André, militant pour la paix. C'était un aperçu de sa belle voix sensible avec l'interprétation de cette grande chanson québécoise. On était déjà plongé là dans l'atmosphère des Sélénites et on y reviendra, hein, je vous le promets, en fin d'émission. Tout de suite, laissons-nous transporter chez Pierre Fété. Pierre Fété est lui-même auteur d'un blog qui fait référence sur Fukushima et d'un solide dossier sur le nucléaire pour conclure la BD « Fukushima, chronique d'un accident sans fin ». Donc on est chez lui, c'est une soirée privée, passe sanitaire oblige. Et pour la petite histoire, Pierre est covidé, donc il ne peut pas assister à cette rencontre qu'il a pourtant mis sur pied. Merci beaucoup à sa femme Fabienne et à sa fille qui ont pris le relais. Et notamment, c'était marrant parce que sa fille a pris son téléphone, ouais, avec la caméra pour permettre à Pierre, depuis sa chambre, d'assister à cette rencontre. intitulé « La maison autonome, sobriété, cohérence et autonomie avec les énergies renouvelables ». Tendez l'oreille, le son n'est pas excellent, mais enfin c'est truffé d'informations très importantes et qui intéressent le plus grand nombre. Merci. Ça équivaudrait à 70 fois actuellement. Ce qui veut dire que plus d'Europe, il n'y a pratiquement plus d'hémisphère nord, on n'ose pas imaginer. Puis, etc., le nucléaire militaire, qui est moins connu, parce que le nucléaire civil, c'est une petite tabou, puis le nucléaire militaire, c'est le grand tabou. Fait que t'as beau faire ce que tu veux là-dessus en France. Mais grâce à Poutine. Oui, ça revient à la mode aussi, comme le nucléaire civil, parce qu'en France, ça fait quand même 10 ans que ça n'a pas pété sérieusement nulle part. Et la mémoire très courte alimente bien la bêtise humaine, et donc, il y a de plus en plus qui se laissent croire que, finalement, le nucléaire, c'est pas si mal, que ça pourrait servir encore. Il y en a certains qui vont répéter ça jusqu'au jour où ça va péter sérieusement aussi en France, mais en même temps, ça va être les premiers à mettre leur famille sur des avions pour les envoyer faire un tour ailleurs. Enfin. Et donc, le nucléaire militaire, le point, qui est l'endroit le plus, je sais pas si je vais regarder la carte un peu, c'est Valduc ici, qui est quand même près de Dijon, qui est quand même l'endroit où l'entretien modernise la bombe atomique française, qui est redistribuée dans divers lieux stratégiques comme l'île Longue pour mettre sur les sous-marins français, etc. Et Toulon aussi. Bref, on n'est pas sorti de l'auberge avec tout ça. Mais ceci dit, il y a quand même le monde des renouvelables. Ce qui est curieux, c'est qu'en France, au début des années 2000, on disait les Allemands sont débiles de vouloir aller vers le... Puis ça s'est confirmé avec Fukushima en 2011. Et en conséquence, au drainage, je m'en servirais pas. Parce que ça... Ah, c'est seulement pour manger. Et donc... Jusqu'en 2011, les Allemands ont confirmé leur décision de sortir au plus vite du nucléaire et la date finale, c'est cette année où ils sont supposés fermer les deux derniers réacteurs. En France, on disait, ils sont vraiment fous parce que les renouvelables, c'est comme un moulin à vent pour les enfants, on saute dessus, mais ça rien de sérieux tout ça. Puis en France, au maximum, on voulait... une petite éolienne dans deux gros réacteurs nucléaires, parce qu'il faut avoir l'air de suivre les tendances à la mode, mais on voulait pas vraiment aller vers là, mais vraiment pas du tout. Et là, à peine 15 ans plus tard, faut dire qu'entre-temps, les photovoltaïques ont baissé de 85%, ça a pris d'achat. Tout à coup, leur discours a changé. Ils disent, ouais, c'est pas mal les renouvelables, parce qu'ils constatent bien que ça serait pas à travers le monde à vitesse grand V, et ça devient de plus en plus performant rapidement, avec des nuisances relativement anodines à comparer du fossile et du nucléaire. Et si bien que là, maintenant, ils ont changé leur discours, ils disent, bon, c'est vrai qu'on va vers les renouvelables, puis ça presse un peu, mais il faut quand même une énergie de transition stable, fiable, etc. Et ça, c'est le nucléaire, on continue de vous l'offrir pour encore... quelques décennies, au minimum. Et donc, moi, ce que je voudrais vous faire ici, c'est, j'ai une diaporama à vous montrer que Céline, qui est experte avec tous ces engins-là, elle m'a déjà sauvé la mise. Finalement, elle va, pas tout de suite, je vais d'abord lire et commenter un texte où il y a toutes sortes d'infos sur les renouvelables qu'on entend peu jusqu'à maintenant, puis qui sont très positives. Et puis après, on va passer au diaporama. Puis même le diaporama, c'est chez nous, ça c'est la mot d'en face, c'est ce qu'on voit chez nous, une partie de ce qu'on voit chez nous. Puis donc, diapo après diapo, je vous ferai quelques commentaires. Puis si vous avez envie de poser des questions, faire des commentaires aussi, surtout ne vous gênez pas à aucun moment. Hein. Et donc, rien que pour vous dire, la maison autonome, c'est-à-dire celle que choisit d'être complètement séparée du réseau national de production d'électricité, c'est pourquoi en anglais on appelle ça « off-grid house », c'est-à-dire les maisons qui sont hors réseau, finalement, après Fukushima, ça intéressait beaucoup les gens, même s'il y en a peu. Dans notre coin, on est rendu à 4 autour de l'ouest de la Haute-Loire, autour de Brioude, qui est une toute petite ville de 8000 habitants. On en est à 4 maisons autonomes, bientôt une cinquième. C'est, ça veut dire qu'on produit toute l'électricité chez soi, et avec ce que ça sous-entend comme aussi imperfection, parce qu'il y a un parc de batteries solaires, etc. Mais je vais vous expliquer ça en détail. Nous, c'est le choix qu'on a fait, alors que même depuis que les photovoltaïques, la plupart des gens ont fait le choix de revendre EDF. Il y a deux compteurs, autrement dit, un qui sort tout ce qu'on produit dans la maison, puis un autre compteur qui compte tout ce qui entre dans la maison. Puis les gens, en conséquence, n'ont pas à se préoccuper de faire plus attention l'hiver parce qu'il y a beaucoup de grisailles, peu de soleil, il est faiblard, etc. Puis en même temps, ils font un peu d'argent ou beaucoup d'argent. Moi, j'ai un voisin au bout du hameau et sa maison principale est devenue sa résidence secondaire et il vient 3 jours par 2 semaines. Et en conséquence, ben, ils vendent de l'électricité à tire-larigot à EDF depuis 15-20 ans. 15, non, moins, 10-15 ans. Mais s'il y a une panne électrique, ben, comme tout le monde, il va être en panne même s'il vend à EDF. Mais entre-temps, ça paye rapidement l'investissement pour s'installer en renouvelable. Partiellement, ça a d'autres avantages et d'autres défauts, tout simplement. Fait que donc, nous, après un mois et demi, après Fukushima, en 2011, on a fait une porte ouverte sur notre maison autonome. Il y a eu 100 personnes dans notre hameau de 5 maisons. On était assez épatés. Ça montre à quel point ça intéresse les gens, puis ça les fait rêver aussi. Puis surtout dans certains moments, quand il y a un contexte qui est plus propice à ces questions-là, on pourrait dire. Puis donc, moi je suis pas un technicien, j'ai appris sur une maison un peu spéciale à gérer, vu qu'elle est autonome, mais il faut pas être un technicien en électricité pour y arriver. Il y a des gestes à connaître, il y a des coups d'œil, des observations à faire de temps en temps, un certain rythme, mais c'est pas lourd. Et ça se fait bien par même par des gens qui sont pas spécialement techniciens comme moi. J'ai appris des tas de choses enfin en le faisant aussi. Bon, donc je voudrais aller du général au particulier d'abord, puis amener quelques chiffres théoriques généraux qu'on connaît trop peu. Par exemple, le soleil donne à la Terre tous les jours 35 000 fois l'énergie que l'humanité consomme. 35 000 fois tous les jours, tout au long de l'année. Répartis de manière très inégale sur la planète, jour après jour, mais en tout et partout, ça donne 35 000 fois. Puis ça veut dire donc qu'il s'agit simplement de savoir aller en capter un peu plus de ce 35 000 fois, puis c'est bon, quoi. Fait que, par exemple, on dit, ça, ce sont des chiffres théoriques. Je le rappelle que le soleil donne à la Terre tous les jours, non, je me trompe de phrase, que si on couvrait tous les toits de France en photovoltaïque, on fournirait entre 2 et 3 fois plus que les besoins actuels en électricité. Seulement en mettant du photovoltaïque sur tous les toits de France. Mais vu que notre idée, c'est d'aller vers la, on peut pas parler de biodiversité, mais la diversité énergétique, ben, il n'est pas question de mettre tous nos œufs d'énergie dans le photovoltaïque et sur les toits comme on le fait avec le nucléaire. Fait qu'il s'agit de diversifier au maximum. Puis cela, c'est ce que je dis, que ça fournirait 2-3 fois tous les besoins en électricité, c'est avec le niveau de production actuel des panneaux solaires, qui savent actuellement capter entre 16 et 17% de transformer en électricité seulement 16 à 17% de la lumière. Mais en même temps, c'est quelque chose de magique, parce que c'est complètement silencieux, c'est complètement immobile. Pratiquement aucun entretien jamais. Moi, je suis avec un balai, j'enlève la neige. Ils sont sur la crête derrière la maison. Ils sont pas sur le toit parce que sous la neige, il fait nuit tout le temps, tant qu'elle n'a pas fondu. Mais c'est sûr, même les pollens, on n'a pas à s'en occuper. La pluie, les lessives, et c'est propre à nouveau. Mais là, avec les nouveaux panneaux photovoltaïques, j'ai dû en changer 6 il y a pas longtemps. Ben, ils sont rendus à 18-19% de lumière qu'ils savent capter et transformer en électricité, alors que, là, quelques années, c'était 16-17. Puis il y aurait un prototype en Suisse qui en serait à 30%, mais il coûte trop cher encore pour le mettre sur le marché. Mais c'est pour vous dire qu'il y a une capacité d'innovation et d'amélioration de tous ces systèmes-là qui est très rapide. Vas-y, Jean-Luc. T'es à quelle altitude? 900 mètres. Ah, ouais, en massif central, c'est-à-dire à peu près 125 km au sud-sud-est de Clermont-Ferrand et dans l'ouest de la Haute-Loire. C'est des régions moyenne montagne. On est juste au-delà un peu de la limite du climat méditerranéen parce qu'il y a des chaînes de montagnes un peu plus au sud qui bloquent ces influences-là. Fait que c'est plus un climat montagne avec des influences atlantiques légèrement dominantes. Mais on est quand même dans le centre, déjà un peu sud de la France. Fait qu'il y a plus d'ensoleillement qu'ici, par exemple. Mais ceci dit, je vais vous en reparler plus tard, on a ajouté une petite éolienne pour les longues grisailles et les jours courts de l'hiver, pour on en est assez content. Là, je continue avec les généralités, mais on va venir à tous ces cas particuliers, on va y venir. Ce que j'étais en train de dire, c'est que finalement, ce sont des technologies jeunes qui améliorent très rapidement leur performance. Au début, quand on dit technologies jeunes, par exemple, les premiers grandes éoliennes qu'ils installaient, même le givre, certains jours, réussissait à bloquer les pales. Puis depuis, c'est un petit problème qu'ils ont réglé facilement avec une résistance dans les pales. Ou par exemple, quand il y a un vent qui s'affole trop, il y a un frein qui ralentit la vitesse des pales pour pas que ça s'affole trop. Et donc, il y a un Espagnol qui a inventé un système de frein qui produit de l'électricité aussi en freinant les éoliennes. Il y a plein d'exemples comme ça, j'en donnerai d'autres plus tard. Puis ça, c'est le point important pourquoi je vous laisse vous parler de ce texte-là, vous lire des extraits de ce texte-là, c'est quelques grands avantages des renouvelables. C'est que les renouvelables, on le dit jamais, on s'en rend pas encore assez compte, mais ce sont des flux. Et puis les flux, par définition, sont inépuisables. C'est les marées, c'est la houle, c'est les courants marins, c'est les vents, c'est le rayonnement solaire qui change de place à chaque heure du jour et de la nuit parce qu'il va luire ailleurs, comme disait Chateaubriand, je crois, il disait se coucher du soleil et d'un autre l'aurore. Hein. C'est brillant, non? Les flux sont inépuisables alors que les fossiles hélifissiles, l'uranium, sont des stocks. Et les stocks, par définition, sont des ressources limitées en plus d'être polluantes, très polluantes. Puis les stocks étant inégalement répartis sur la planète, cela est aussi source de nombreuses tensions géopolitiques, comme on le voit actuellement avec la Russie et l'autre. Tandis que la plupart des flux, soleil, vent, eau salée, douche, géothermie, biomasse, se retrouvent un peu partout sur Terre. C'est quand même pas du tout la même chose. Donc le défi en cours d'être un peu déjà gagné par les renouvelables, c'est d'aller chercher, capter une plus grande part de ces flux, et d'arriver surtout à mieux les réguler et les stocker. C'est ça le prochain grand défi des renouvelables et sa prochaine grande révolution aussi. Dans le sens que il paraît qu'aux États-Unis, un prototype de batterie qui fonctionne qu'à l'eau de mer. Donc, c'est pas des batteries au plomb avec d'autres métaux encore polluants jusqu'à un certain point dedans. Mais il paraît que c'est un modèle trop gros, qu'ils ont pas arrivé à miniaturiser. Au début, les modèles prototypes, ils coûtent trop cher et il faut qu'ils créent une échelle de marché pour que ça devienne accessible à plus de gens. Mais c'est la direction. Moi, je pense que, je risque de pas avoir le temps de voir ça, mais peut-être dans 15-20 ans, nous, on a 12 grosses batteries solaires comme ça, puis dans 15-20 ans, l'équivalent va se trouver dans une boîte comme ça qui fonctionne avec quelque chose de très anodin, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Le renouvelable, c'est capacité d'innovation et d'amélioration. Au point de vue stockage, c'est le dernier grand défi à relever pour les renouvelables. Après, ça va être gagné partout de plus en plus d'une façon évidente. Oui, puis je parlais d'avantages renouvelables. Un autre avantage, c'est qu'ils permettent une décentralisation et une démocratisation de l'énergie. Ça aussi, on s'en rend pas assez compte, jusqu'au niveau de la région, de la ville, comme avec le projet dont Jean-Luc me parlait tout à l'heure, de la commune et même de l'individu, maison autonome. Puis là, on parle de bientôt de... Parce que les réseaux de distribution deviennent de plus en plus intelligents, malgré ce que ça peut avoir de dangereux un peu à la fois, et flexibles. Fait que bientôt, par exemple, nous, dans un hameau de 5 maisons, du printemps à l'automne, on surproduit. Les batteries sont souvent saturées. Puis là, le système, il n'en prend plus, il laisse passer tout droit. Mais dans X années, on pourra avoir des systèmes, si on n'a pas affaire à des gouvernements trop dinosauriens encore, qui vont te permettre de vendre aux voisins, de le fournir avec des micro-réseaux de distribution dans le même village. Puis là, la technologie est presque prête pour ça. Et ça prend des décisions politiques cohérentes en conséquence. Ça fait que c'est assez intéressant sur le site. Puis finalement, je reviens sur la distinction entre fossiles, fissiles et renouvelables. C'est que les fossiles, fissiles, tu ne peux qu'utiliser le stock jusqu'à épuisement, ou jusqu'à ce qu'il nous ait tués par sa pollution. Ils sont aussi, ce sont de vraies menaces. Rien pour dire, pour l'anecdote, à Pékin, depuis des années, ils sont tellement dans le smog permanent qu'ils ont installé des écrans géants avec des soleils dessus. Rien pour que les gens aient l'impression de le rencontrer de temps en temps, ça améliore le moral un peu, quoi. C'est pas fort, hein. Puis donc, tandis que les renouvelables, avec une gestion de plus en plus performante et régulée du flux, peut aller vers un stockage de même des flux en moyenne et longue durée. Puis ça c'est des avenues extraordinaires comme possibilités positives. Donc là, il y a des trucs que j'ai déjà dit d'avant, je pense, ces sections-là. Oui, finalement, le principe très général de la production d'électricité, c'est que tout ce qui bouge produit de l'énergie qui est transformable, entre autres, en électricité. Il y a des exemples partout qui naissent. Par exemple, en Australie, ils ont inventé de nouvelles hydroliennes, je sais pas, c'est encore des prototypes, j'ai l'impression, mais qui ont créé à partir de la reproduction mécanique à grande échelle d'ailerons de requins et d'algues. Et par exemple, les ailerons de requins sont tellement aquadynamiques qu'ils savent utiliser le moyen de mouvement des eaux, que ce soit au niveau des courants marins, mais c'est pas au niveau de la houle, c'est plutôt un peu plus bas. Et l'équivalent avec les algues, dont les bras savent se désarticuler sans se blesser sur la houle. Et donc, à partir de ces exemples-là, ils créent des systèmes mécaniques un peu géants, puis ils les installent comme hydroliennes, comme nouveau type d'hydrolienne. Ça, c'est un exemple comme quoi, avec tout ce qui bouge, on peut le transformer en énergie, dont d'autres énergies, dont l'électricité. Puis, il faut pas oublier qu'actuellement, on parle essentiellement du photovoltaïque et de l'éolien. Puis, il y a une énergie colossale dont on parle très peu jusqu'à maintenant, puis qui est vraiment là, disponible. On ne sait pas encore assez bien comment aller la récupérer. C'est la mer, l'océan. Rien que dans l'océan, il y a trois énergies gigantesques. La houle, le mouvement permanent des vagues en surface. Puis ça, les Écossais ont commencé avec ce qu'ils appellent des serpents de mer. Ça peut faire 1 ou 2 kilomètres de long. Ça flotte sur l'eau avec des tonnes de mini-turbines dedans. Ça produit de l'électricité. Après, il y a les marées, la force des marées sont aussi. Il y a un essai, je crois, en Bretagne depuis de nombreuses années. On n'entend pas dire que ça progresse vraiment. Puis le principal problème, je crois, là, c'est important. C'est important. Mais elle est toujours ensablée. Oui, c'est ensablée. Mais pas que. L'autre problème, c'est la corrosion. Parce que l'eau salée bouffe tout métal à peu près rapidement. Mais ça, c'est des défis techniques surmontables, sans doute. Hein. Et le troisième énergie géante dans l'océan, c'est les courants marins. Hein. Mais on ne sait pas encore comment les utiliser, quelque part. Hein. Bon, je passe à la deuxième page et ça va être moins long. Bien sûr, sans cesse de nouvelles expérimentations, trouvailles et innovations, entre autres des panneaux dits organiques et flexibles, panneaux solaires, qui seraient produits à partir de carbone au lieu de silicium, qui seraient moins compliqués et coûteux à produire parce que il y aura un prototype en Suisse, parce que la différence avec le solaire thermique que vous connaissez, c'est que c'est pas de la haute technologie. N'importe quel plombier peut faire son panneau solaire thermique. Ça prend un serpentin sous une couche noire qui chauffe l'eau ou le liquide qu'a le porteur pour aller vers le ballon d'eau chaude. Mais là aussi, il y a des améliorations. Fait que les Allemands ont inventé, parce que le liquide qu'a le porteur, généralement, c'est l'équivalent du liquide de refroidissement qu'on met dans les voitures. C'est pas très écolo. Il faut le changer une fois par 5-6 ans à peu près, parce que ça se dégrade. Et donc, les Allemands ont inventé un système qui fonctionne qu'à l'eau, muni d'une pompe. Puis quand la température baisse, juste avant que ça arrive à zéro, la pompe vide tout le système. Et aussitôt que ça remonte au-delà de zéro, elle repousse l'eau dans le ballon. Il y a encore des variantes que j'ai pas vues, mais dont j'ai entendu parler, où pour cette pompe-là, ils ont un coin du solaire thermique où ils ont ajouté un petit panneau photovoltaïque pour alimenter la pompe. Parce que tout ça fonctionne quand il y a du soleil seulement. Hein. Fait qu'il y a plein de petits trucs brillants comme ça qui peuvent changer la donne. Hein. Fait que je continue en signalant que dans un monde qui par de nombreux aspects se déglingue, le secteur des renouvelables, lui, innove et s'améliore rapidement avec beaucoup de créativité. Puis cela se passe malgré la relative jeunesse technologique de ces systèmes qui deviennent de plus en plus efficaces, fiables et bon marché. Puis il faut remarquer, moi je remarque que c'est quand même pas beaucoup les gouvernements qui poussent là-dessus, peut-être excepté en Chine qui est pas un grand exemple pour bien d'autres choses, mais finalement c'est des techniciens qui innovent. Puis évidemment après ça tombe dans la besace de multinationales qui font le fric qu'ils peuvent faire avec ça. On n'est pas encore dans un monde parfait, il ne faut pas être naïf non plus. Mais il y a des éléments qui changent, hein, tout au moins. Ouais, ça j'en ai déjà parlé. Ouais, ça aussi. Bon, fait que déjà par exemple, nous avec notre système, on pourrait brancher un vélo électrique sur la maison. Bon, t'es en région très dénivelée, faut être sportif pour faire du vélo. Quoique électrique, c'est plus facile, plus simple. C'est pas parfait tout ça, mais ce sont des petits pas. Mais la voiture électrique, on pourrait pas encore, on n'en voudrait pas parce qu'on la sent bouffeuse d'énergie énormément au point de vue de sa production. Et ça prend trop d'énergie même pour la recharger, excepté si t'es sur le grand réseau. Bref, y a des éléments qui changent, mais tout ça est... Et là, il ne faut pas oublier qu'on vit dans un monde très imparfait, même si on essaie de l'améliorer un peu par divers aspects, on n'y arrivera pas tout de suite ou peut-être même jamais. Bon, je dirais que pour terminer, que le choix des renouvelables, finalement, c'est une question de cohérence. Spécialement en France, où le gouvernement a vendu son arme au nucléaire depuis 50 ans. Ouais, c'est ça. Mais il faut savoir, par exemple, autant la France en fait le moins possible sur les renouvelables en France même, ou à reculons, puis toujours plus tard que les autres, il existe quand même une branche de EDF qui s'appelle Renouvelables, puis ils installent de plus en plus, beaucoup à travers le monde, des parcs solaires, des éoliennes, etc., mais ailleurs, pas en France, hein, ici. Il faut savoir qui est roi quand même, tu vois. Bon, fait que pour une démarche en autonomie, là, on vient au diaporama, il faut d'abord s'interroger sur ses besoins réels. Car il n'y a pas de renouvelable sans sobriété et efficacité énergétique. Ça, c'est un point très important. Par exemple, le copain qui vient installer tous les systèmes renouvelables que vous allez voir à la maison, lui, il dit quand quelqu'un le contacte, il fait un devis. Non, il ne fait pas un devis tout de suite, il l'aide. Le questionne d'abord sur sa manière de vivre. Puis s'il dit j'ai deux congélateurs, bien pas question que je m'en passe, ben il dit souvent il refuse de faire des devis, de prendre des chantiers à cause de ça. Parce qu'il dit, parce que vous tenez un style de vie trop consommateur, vous allez vous obliger à installer à faire une installation surdimensionnée que pour assurer les pointes. C'est le contraire qu'il faut faire, c'est abaisser ses besoins pour niveler les pointes. Puis après, tu peux commencer à discuter de ce qu'il te faut vraiment. Et ça, c'est très important comme point aussi. Oui, c'est ça. Réduire ses besoins plutôt que de grossir son installation renouvelable. Puis par exemple, nous, juste sur cette terre-là, nous, on n'a pas de congélateur. On a choisi de faire à la manière traditionnelle avec les pots parfaits. Pour tout et les confitures aussi, mais on a un four solaire qui marche extrêmement bien, on va le voir en passant. On s'est rendu compte qu'on pouvait stériliser 8 pots parfaits dans notre four solaire. Puis là, le carburant est complètement gratuit, il s'agit de, une fois par 30-40 minutes, de le remettre en pleine phase du soleil. Puis à un moment donné, tu vois que ça bouillonne entre les haricots ou tout ce que tu mets en pot. Puis c'est... Au début, on a tendance à le laisser plus longtemps pour être, parce qu'on doutait un peu que ce soit vraiment bien cuit, puis parce que carburant est gratuit, pourquoi se gêner? Mais finalement, on a vu des haricots qui étaient noircis dans le pot, tu vois, ça, c'est efficace quand même. bon. Puis donc, nous, on n'a pas de congélateur, on a un petit frigo qu'on branche du mois de mai au mois d'octobre. Puis après, on le débranche aussi, puis on se sert que de la soupe-là. Le frigo dans l'hiver, c'est l'arrière-cuisine, conteneur, où on range au frais les aliments qui ont besoin d'un peu de sauvegarder au minimum. On s'est rendu compte que quand tu es strictement végétarien, comme dans mon cas, ça fait plus de 50 ans, ce qui ne me rajeunit pas, ça veut dire ni viande, ni poisson, jamais, ben c'est facile à conserver tout ça. C'est les seuls aliments vraiment pourrissants, c'est ça, poisson et viande. Éminemment le poisson, il va s'en dire. Puis même les produits laitiers, même sous forme de lait, fromage, yaourt, ça se conserve très facilement au frais dans un bout de la maison qui n'est pas chauffé ou dans la souillade. Fait que ce qui est intéressant de signaler avec cet aspect-là, c'est que nos choix énergétiques sont aussi en interaction avec nos choix de vie. Et ça aussi, c'est important, que ça peut nous aider à faire des pas dans d'autres directions. Tapage. Voilà, c'était donc un aperçu de la maison autonome commentée par André Larivière chez Pierre Fettet. Voici maintenant retour sur les sélénites, retour sur aussi cette après-midi musical et littéraire où il a commenté, présenté son dernier ouvrage, Les Cancreloups, étoffé de chansons. On va se reprolonger dans cette ambiance où vous entendrez des chansons, des interprétations comme ces chants yiddish ou bien cette très belle chanson d'Anne Sylvestre, Les gens qui doutent, interprétation de Joe Cocker, Grimmauld Wright, bref, et puis aussi des chansons à lui qu'il reprend donc avec son groupe de poésie musicale Les Frocs, tout un florilège qui a bercé les 19e sélénites du mois de mars et dont voici quelques extraits avant de nous quitter. On va se quitter tout à la fin avec un artiste québécois qui a choisi de faire carrière au Québec. Il s'appelle Richard Séguin. Sa chanson s'appelle Écrit, encore un choix d'André pour nous faire découvrir un artiste. Merci. Donc, c'est parti pour J'ai planté un chêne. J'ai planté un chêne au bout de mon champ. Ce fut ma semaine. Perdrai-je ma peine? J'ai planté un chêne au bout de mon champ. Perdrai-je ma peine? Perdrai-je mon temps? L'amour et la haine, ce sont mes enfants, mais ce sont mes chaînes. Perdrai-je ma peine? L'amour et la haine, ce sont mes enfants. Perdrai-je ma peine?

trained. We didn't care. She said that someday soon the sun is gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine. Bravo. Tapage. Pardon? Claude Thibault, c'est ça? Oui. Puis le titre, c'est « Le monde a besoin d'amour ». Puis ça rentre dans le sujet, vraiment, tu vois. Hein? Besoin d'amour comme de l'eau. Le monde a besoin d'amour pour aller plus haut. Le monde a besoin d'amour à tous les jours. Les jours de pluie comme ceux ensoleillés. Le monde a besoin de tendresse pour sécher ses larmes. Le monde a besoin de tendresse pour taire ses drames. Le monde a besoin de tendresse, peu importe l'adresse. Un peu d'amour pour effrayer les vautours. Le monde a besoin d'amour, c'est cruellement urgent. Le monde a besoin d'amour, bien plus que d'argent. Le monde a besoin d'amour à tous les jours. Les jours de pluie comme ceux ensoleillés. Le monde a besoin d'amour, il est minuit moins quart. Le monde a besoin d'amour encore plus fort. Où j'espère vivre assez vieux pour voir ça un jour. J'espère vivre assez vieux pour voir fuir les vautours. Les vautours. C'est une approbation. C'est bien. Tapage. C'est une petite chanson yiddish. Allez, vas-y. Une vraie yiddish. Sans capot. C'est celle dont je parlais tout à l'heure, là, les deux jeunes qui jouaient au cheval et son cavalier. Oui, c'est ça. Shmilik, Gavrilik, Shaverim, Leshtvai, Spielen sich beide kein Gleichen zu sein. In Ferdlech, mit Schwertlech, in Sand und in Hell. Schwierig, der Schmeiser, Gavrilik, der Fell. Schwierig, der Schmeiser, Gavrilik, der Fell. Schwierig, Gavrilik, sei wachsen, gescheus, komm sein Schienen, Amerika ist groß, gekommen zu schwimmen zu der goldenen. Schwierig, der Schmeiser, Gavrilik, der Film. Schwierig, der Schmeiser, Gavrilik, der Film. Schwierig, Gavrilik, im goldenen Land. Schwierig, Basel, Gavrilik, sein Hand. Schwierig, in Himmel, Gavrilik, in die Erde. Schwierig, der Schmeiser, Gavrilik, der Fern. Schwierig, der Schmeiser, Gavrilik, der Fern. Schwierig, Gavrilik, kein Freund schon, nicht mehr. Schwierig, Landlord, Jassen ist er. Gavrilik, sein Schönen, in Basement in die Erde. Schwierig, bleib Schmeiser, Gavrilik, bleib fern. Schwierig, bleib Schmeiser, Gavrilik, bleib fern. Tapage. Pour une fois, une grande chanson française. Et... J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et ils se contredisent sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils ne semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'ai un peu discuté avec les accords, mais ça va se placer. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur, pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme, les daltoniens de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poids pour que jamais l'histoire le rang de les honneurs. J'aime leurs petites chansons,

Tapage. Donna. On a wagon bound for market, there's a calf with a mournful eye. High above him, there's a swallow winging swiftly to the sky. How the winds are laughing, they laugh with all the might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna. Stop complaining, said the farmer, who told you a calf to be. Why don't you have wings to fly with, like the swallow, so proud and free? How the winds are laughing, they laugh with all the might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna. Calves are easily bound and slaughtered, never knowing the reason why. But whoever treasures freedom, like the swallow, has learned to fly. How the winds are laughing, they laugh with all the might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna, Donna. Tapage. You are so beautiful. looking, I hope for. You're everything I need. You are so beautiful. Page. Quel régal, hein, quel régal. Oui, ce n'est qu'un aperçu de cette 19e sélénite. Je rappelle que les sélénites sont chroniquées chaque mois par Hildegarde dans l'Écho des Vosges, l'hebdomadaire. Voici maintenant deux historiettes et novellettes extraites de Cancreloup, le dernier ouvrage d'André Larivière. Il en a lu de nombreux extraits au Café Créma à Darnieul chez Élise lors de la rencontre dédicace. Merci à toi Élise pour ce lieu créatif que tu as mis à notre disposition. Je voudrais dire aussi un grand merci à mon fils Yuva Godet pour le montage de l'émission et pour la création du générique. Oui, oui, alors vive l'intergénérationnel, on y tient au Sélénite. Hein. Merci à toi aussi, vous avez entendu peut-être une petite touche de didgeridoo, quoi. C'est formidable, avec la voix d'Amélie Armao. Grand merci à elle aussi. On va se quitter là en chanson avec des coups de cœur aussi, des partages. Richard Séguin, auteur, compositeur, interprète québécois. Et puis Sylvia Pérez-Cruz, il paraît rose. Mais tout de suite, on écoute André avec deux historiettes novellettes. Un grand merci au jardinier nomade pour son passage au Sélénite. Ma belle amie, combien douillet votre salon! Entre plantes vertes et douce musique classique, entre lumière tamisée et calme palpable, entre bon goût, art et sérénité, je trouvai votre sofa et m'y laissai couler, telle chrysalide dans son cocon, telle clé de sol sur sa portée. Et puis, surpris de si bien m'y sentir, je décidai de ne plus partir, je choisis de m'enraciner. Une plante verte en plus dans votre salon. Il est vrai que j'avais toujours eu une certaine verdeur. D'abord, surprise, il vous plut de jouer le jeu. Votre pouce vert me fit produire de belles feuillées et même quelques fleurs de la passion. Parfois, vous me transportiez dans votre alcôve et nous jouions à étamine pistil, et cela sans que votre couche n'eût trop à en gémir. Avec des gestes tendres et délicats, à quelques reprises déjà, vous m'aviez rempoté. Puis vos humaines affaires ailleurs vous appelèrent, de nouveaux amis, un nouvel ami. Vous commenciez à me délaisser, vous négligiez de m'arroser, m'avérais-je trop statique, trop peu éloquent. Bientôt, je ne bénéficiais plus d'aucun soin, et je perdis toute capacité de mouvement et d'expression. Au lieu de flétrir et faner, je fossilisais. Je pris assez vite, à ma propre surprise, l'allure d'un personnage en bois pétrifié depuis des millénaires. Je sentais confusément que je devenais encombrant, mais bon, chacun son destin. Et effectivement, un jour que mon hôtesse recevait un visiteur assez gentil pour donner un coup de main, je fus transféré dans le jardin derrière la maison. Entre roses, pivoines et hortensias, je découvrais ma nouvelle vocation de nain de jardin. Celle-ci n'est pas sans attrait. Des corps et témoins à la fois, à la manière des chats, mais en plus sphinx, on quitte certains mondes pour se sentir pénétré en d'autres plus attentifs. J'aurais peut-être aimé rencontrer un semblable, l'histoire d'entendre son histoire et de voir s'il se trouve des parcours parallèles, mais aucun autre nain de jardin à l'horizon. Que des adultes qui dénigrent et des enfants qui écarquillent. Puis, par une nuit sans lune, je fus kidnappé par le Front de libération des nains du jardin. Ils m'installèrent dans un grand châtaignier à l'orée d'une belle forêt de feuillus. Je restai là, assis, à mi-hauteur de l'arbre, calé bien au chaud dans les bras d'une forte branche. J'ai toujours aimé plus de nature, je m'en trouvais donc fort content. De mon poste, j'observais confortablement les alentours. Sur le sentier qui dévalait du pré d'à côté, je vis un jour venir un couple qui marchait en se tenant par la taille et s'arrêtait de temps en temps pour se bécoter. « Tiens, qui voilà ?» me dis-je, car je venais de reconnaître en la femme ma belle amie. Elle semblait très amoureuse. Je voulus lui faire un coucou pour la surprendre un peu, en vain bien sûr, pour un instant, j'avais oublié ma pétrification. Je me trouvais très drôle. Et une perle d'humidité, à ce moment-là, suinta sur mon bras. Tapage. Bon, ça explique un peu dans quel contexte on a construit la cabane, notre cabane au Canada. Cette première maison en rondin n'était qu'un brouillon. En attendant la deuxième, qui elle allait être hexagonale et bien fignolée selon les règles de l'art de la construction en bois rond. Mais puisque la vie, c'est ce qui se passe tandis que l'on planifie autre chose, John Lennon qui disait ça, nous ne savions pas encore que la première allait être la seule. Toujours est-il que dès le mois de mars, ah, c'est écrit, c'est ce que je viens de vous raconter, nous pelletions 1 mètre de neige pour y installer le premier camp de base, une grande cabane en plastique avec poêle où nous cuisinions et logions. Facile, car le printemps et même l'été allaient bientôt arriver. Arbres abattus autour du site prévu pour la construction, les enfants qui écorchent les arbres à la hachette sans se blesser, et le soir, nous faisons de grands feux d'écorce qui à la fois nous réchauffe. Là, c'est de la redite parce que je voulais raconter de vive voix. J'avais oublié que c'était dans cette histoire-là, mais c'est pas grave. Oui, le Saint-Bernard, d'habitude silencieux, jappe très fort pour nous prévenir qu'il y a le feu dans la cabane en plastique. Les bêtes arrivent difficilement à comprendre les jeux de reflets et miroirs. Et bien sûr, on ne reconnaît pas l'existence du permis de construire. On s'est simplement assuré qu'il y avait tout proche une source permanente, vraie condition essentielle pour une nouvelle installation humaine. Quelques années plus tard, les autorités du village le plus proche viendront estimer la valeur de l'objet à quelques milliers de dollars, pas trop cher de taxes en conséquence. Première période de travail intensif pour construction jusqu'à l'automne, puis la vie communautaire nous appelant, nous allons en famille séjourner en Aveyron, en France, dans une grande communauté de 80 personnes. Retour le printemps d'après pour une seconde étape de construction où nous achevons le plus gros des travaux. Heureusement, car dans le milieu de l'été, nous repartons vers la Californie, où la vie militante intensive appelle. En fait, un jeûne politique de 40 jours comme cri d'alarme sur la course aux armements nucléaires. Nous sommes au cœur de la guerre froide. Début novembre, camp de retour de Californie, il urge de trouver une porte de maison, car dans l'entrée, pas seulement une grosse couverture en laine. Et en ces contrées, ça commence à geler souvent la nuit dès septembre. Et la finition, avec un coin en bois, on pousse de l'étoupe, mélange de craie animale et végétale, entre les rondins, en manière d'isolation tout le long, mais matériaux presque trop bio, car les souris et les oiseaux viennent se servir à volonté pour leur nid. Certains ajoutent donc une bouillie de pétrole pour coller le tout et dégoûter les bestioles. Les plus écolos préféreront les petites languettes de bois clouées par-dessus l'étoupe. Tandis qu'au précédent endroit, je portais l'eau depuis la rivière avec un joug et 2 seaux, en cassant la glace en hiver à la hache tous les jours pour entretenir mon trou d'eau. Porteur d'eau et fier de l'être était mon slogan. Ici, en ce nouveau lieu, nous installons une pompe à eau manuelle depuis la source jusque dans le bain. On sent bourgeois. Tapage. Bon, ça c'est dans Chemin, je crois. Oui, c'est ça. Elle est très brève, 157. Ah oui, j'ai des histoires de chiens en chemin, parce que j'ai fait beaucoup de randonnées, de marches militantes et de randonnées privées à travers l'Europe. En tout, j'ai dû parcourir 12-13 000 kilomètres, je sais pas, faudrait que je compte en détail. C'est comme Copenhague à Genève, l'Irlande d'est en ouest, Thessalonique à Istanbul, l'Espagne du nord au sud, etc. Quand même. Ouais. Oui. Fait que j'ai chemin, c'est pas pour rien que ça s'intitule comme ça, oui, hein, au pluriel. Bon, c'est très bref, une page. Hein. Putasserie filiale. Je n'aime pas les zincs des cafés-bars qui créent une promiscuité empathique artificielle entre gens de planètes trop différentes. Mais ce matin-là, je suis pressé de continuer mon voyage et je veux simplement un café vite avalé dans ce village sur la nationale avant d'avaler plus de kilomètres. Juste au moment où je commence à siroter mon petit noir, apparaît quelque chose depuis l'arrière-boutique du bar entre épaves et zombies, qui vient s'installer juste à côté de moi. Pas de risque qu'on se pose, car mon air de vieil écolo, bien dans sa peau, le répile sans doute autant que moi quand je considère l'ampleur du cul-de-sac de ce jeune détritus. Imbibé comme une éponge depuis sa fin de nuit dernière, on sent son air ravagé qu'il a rassemblé ses ultimes miettes pour se traîner jusqu'au comptoir. Son parent, père, oncle ou parentule, je ne sais, lui demande avec grande affection « Tu veux quoi, mon Jérôme ?» Le Jérôme, qui a déjà l'air d'une ruine antique à 30 ans, réunit en congrès d'urgence ses derniers neurones pour répondre « Un grand verre de bière. » Il aura l'air brillant, pour ne pas dire pétillant, encore ce soir après d'hiver, mais succès provisoire et désastre durable. Alors que le parent de service aurait dû lui secouer les puces. Pas de service ici jusqu'à ce que tu te ressaisisses et fasses d'autres choix de vie. Mais la putasserie filiale ne saurait se permettre ça. Ouais. C'est beau. Hein? Là, leçon d'éducation. Ouais. Ceux qui ont des enfants. Coupé au cul. Ça fait pas de mal. Tapage. Écrit sur le désert qui marche, sur la forêt que l'on abat. Écrit sur chaque coup de hache, sur chaque oiseau que l'on foudroie. Sur tous les fleuves empoisonnés, cette planète désincarnée. Je te décris dans le vent, écris ta vie et tes élans. Tout le temps sur le sable et même sur l'eau. Écrit pour ne pas sombrer et traverser les océans. Écrit pour vaincre les mensonges, les mots de haine qui nous rongent. Écrit pour ceux qui ne savent pas, dont le silence est la seule voix. Écrit, écrit. Écrit pour celle que l'on bat, pour celui qui ne mange pas, pour ce qu'on force à se taire par le feu ou bien par le fer. Écrit sur les murs des ghettos, écrit pour scier les barreaux, pour les mains qui ne peuvent plus, pour ce qu'on traque ou que l'on tue. Au nom de Dieu ou de la loi, à qui on a tranché les doigts. Écrit. Écrit. C'est pour aller bien plus loin que les frontières, que les races, pour parler de ce qu'on menace, qu'on enferme pour leurs écrits qui parlent haut, qui parlent fort, bien au-dessus des bruits de la mort. Écrit. Écris, t'écris à bout portant, écris ta vie et tes 20 ans, écris sur les drapeaux qu'on lève, toujours face à d'autres drapeaux, écris pour ceux qui se soulèvent contre la bêtise et la force, écris pour un futur vivable et pour apprivoiser ce temps, écris, écris, écris sur les amitiés mortes, sur l'oubli qui frappe à la porte, sur le plaisir des amoureux et sur la peur de devenir vieux. Avec ton poing, avec ton ventre, avec le sourire d'un enfant, pour ne pas oublier le sang, écris, écris le plus beau des chants. Un cri d'amour pour les vivants, un cri d'amour pour les vivants. Écris, écris, écris, écris, écris, écris. Ta page, ta page, ta page, ta page, ta page, ta page. Se muere te quiero, amor mío. En el desván donde juegan los niños, soñando viejas luces de un grial, por los rumores de la tarde tibia, viendo ovejas y lirios de nieve, por el silencio oscuro, oscuro, oscuro de tu frente. Este vals y este vals y este vals de cintura quebrada, no, y este vals y este vals y este vals de sí. Que tenga cabeza de río, mira qué orillas tengo de jacintos, dejaré mi boca y entre tus piernas mi alma en fotografías y azucenas y en las ondas oscuras de tu andar y el amor mío, amor mío, amor mío, dejar violín y sepulcro las tintas del vacío, amor mío y amor mío y amor mío, dejar violín y sepulcro las tintas del vacío. Siempre y este vals y este vals.